Bonjour à toutes et à tous. Trouver des alternatives pour assurer la continuité de l'école suite à la fermeture des classes due à la pandémie du coronavirus, c'est l'objectif principal de e-learning, l'émission qui permet d'apprendre même hors des classes. Pour ce numéro de e-learning, nous parlons des mathématiques au baccalauréat. Comment réussir donc son épreuve de baccalauréat aux mathématiques? Pour en parler, nous recevons M. Kamenan Sati, il est enseignant des mathématiques aux établissements Henri Poincaré. M. Kamenan, bonjour. Bonjour, M. Marat. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci. À mes auditeurs, bienvenue sur Gbeke FM, première web radio de la région de Gbeke installée aux établissements Henri Poincaré. Ngatakro, c'est à Boaké. Et moi, je suis votre serviteur, François Mbrade. Retour donc sur ce plateau pour parler des mathématiques. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat avec notre invité du jour, M. Sati Kamenan, ou du moins M. Kamenan Sati. Au cours de cette émission, nous parlerons d'abord du format de l'épreuve de mathématiques au baccalauréat, la durée de l'épreuve, la note et le coefficient de l'épreuve. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve? Des conseils pratiques donc pour réussir son examen au baccalauréat, surtout en mathématiques. Et c'est avec notre invité du jour. Monsieur Sati, lorsqu'on parle de mathématiques, on a des idées, ça fait peur par moment. C'est quoi exactement quand on parle de mathématiques? Merci Monsieur Mbra. En effet, lorsque vous manipulez déjà des nombres, vous faites déjà les mathématiques. D'accord. Lorsque vous menez un raisonnement cohérent, vous faites en même temps aussi les mathématiques. D'accord. Parce que les mathématiques ont d'abord une autre dimension qui est plus logique avant d'atteindre la dimension physique qui est le formalisme. D'accord. Donc voilà en fait ce que je peux dire pour les mathématiques. Les mathématiques, c'est tout ce qui a trait aux chiffres et aux nombres. On constate que les choses changent au fil du temps. D'accord. De CPE ou même avant le CP1, on fait les mathématiques comme vous l'avez dit. Au CP1, il y a un petit changement jusqu'à ce qu'on arrive à l'université. Les changements continuent. Alors aujourd'hui, nous sommes en terminale, donc au baccalauréat. Notre thème du jour, c'est comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat. Dans notre présentation, on va d'abord s'appesantir sur le format de l'épreuve. Alors parlons du format de l'épreuve. Qu'est-ce que les élèves et ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir concernant le format de l'épreuve de mathématiques? D'abord, avant de commencer, il est important de savoir que l'approche pédagogique que nous utilisons à l'enseignement général et même un peu partout, c'est l'APC. D'accord. Mais l'APC signifie quoi? C'est l'approche par compétence. D'accord. Mais spécialement pour cette année, nous allons faire l'évaluation au baccalauréat en PPO. Donc la pédagogie, par objectif. Donc, quelle est la différence entre PPO et APC? Alors, au niveau de l'APC, l'élève est au centre de son savoir. Ça, c'est d'abord le premier principe, avec tout un tas de processus où l'enseignant lui-même devient, si vous voulez, le guide. Il devient le modérateur. Okay. Il devient quelqu'un qui amène l'apprenant à apprendre, okay, et à construire son savoir. D'accord. On peut dire comme ça que dans l'approche par compétence, l'enfant ou l'apprenant a plus de 80% comme activité et l'enseignant n'a que 20%. D'accord. Ce qui est vraiment très important. Okay. Au niveau de l'évaluation en APC, l'une des caractéristiques les plus importantes, vous avez la situation d'apprentissage qui permet à déclencher l'apprentissage du jour, ce qui est vraiment très important, qui amène l'apprenant à comprendre que les mathématiques, ce n'est pas seulement de faire les X, les Y ou dessiner des droites, mais plutôt de comprendre que les mathématiques sont aussi dans la vie active. Donc on part d'une situation de vie courante pour déclencher l'apprentissage du jour. J'allais même me poser la question, quand on parle de mathématiques, souvent on parle de X, de Y, mais on ne parle jamais de P et de T. Bien, comment ça se passe? En fait, juste une question de compréhension. Le problème des mathématiques ou je vais dire des hommes, c'est que on a rapproché les mathématiques au X, au Y. Non. Les mathématiques vont au-delà. D'accord. J'ai dit et je répète tout le temps à tous mes élèves que nos parents n'avaient même pas encore mis les pieds à l'école à l'époque, lorsqu'ils faisaient déjà les mathématiques. D'accord. On a les mathématiques dans la vie active, même à la maison, même au champ. Au champ, quand on fait un piège. Quand on fait un piège. On fait des calculs. On fait des calculs. Même au village, regardez les greniers. Même le jeu d'Awalé, ce sont des mathématiques. Voilà pourquoi je disais que les mathématiques ont d'abord une autre dimension. Ne voyons pas les X et les Y. Quand nous passons aux X et Y, nous faisons ce qu'on appelle la formalisation. Ce qui est vraiment autre chose que des mathématiques. Donc la première des choses, il faut comprendre le phénomène, comprendre la notion logique qui est derrière les mathématiques. Et puis ensuite, on va revenir dans la dimension physique qui est de quantifier l'inconnu que nous ne connaissons pas, que nous appelons généralement X ou même T ou même Y. Lorsque vous passez à X, Y, c'est juste un nom que vous attribuez à l'inconnu que vous ne connaissez pas. Merci à vous, M. Kamena Sati. Je rappelle que vous êtes enseignant des mathématiques dans les lycées et collèges. Vous êtes également un spécialiste dans les questions de formation des mathématiques et vous êtes sur notre plateau pour parler de la réussite des mathématiques au baccalauréat. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat? C'est le thème qui nous réunit sur ce plateau aujourd'hui. Amis auditeurs, vous pouvez nous suivre, participer à cette émission. Dans une dizaine de minutes, nous allons vous accorder ce droit-là de poser les questions, poser et apporter toutes vos préoccupations à notre connaissance, de sorte à pouvoir vous donner aussi des réponses. Et le numéro, c'est le 49 35 80 89 42 78 45 98. Dans une dizaine de minutes, nous allons vous recevoir. Avant tout, examen. Avant un cours, il y a des dispositions particulières à prendre. Pour faire le cours de M. Sati, comment il faut se tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir suivre correctement cette séance? Alors, on ne va pas seulement parler du cours de M. Sati, mais on va parler du cours de mathématiques. D'accord. Un cours de mathématiques, pour faire un cours de mathématiques en tant qu'élève, tu es d'abord obligé d'avoir un cahier de cours. D'accord. Ça, c'est le béaba. Ok. Deuxièmement, il te faut avoir le manuel. Ok. Ça, c'est élémentaire. Au niveau du manuel, il y a deux types. Vous avez les manuels agréés et les manuels recommandés. D'accord. En Côte d'Ivoire, le manuel agréé, vous avez le livre de mathématiques collection SIAM. D'accord. Qui, pour la classe de terminale D, c'est collection SIAM T. S, E, ah, c'est pour la classe de terminale D. Nous parlons de l'enseignement général d'abord. Ensuite, pour la classe de terminale C, c'est la collection SIAM TSM, qui veut dire terminale sciences mathématiques. Ça, c'est pour le manuel. D'accord. Ensuite, il y a des outils vraiment de construction que nous appelons généralement les outils géométriques. D'accord. Qui sont très importants dans l'apprentissage mathématique. Ensuite, il faut un cahier de recherche, parce que les mathématiques, c'est vrai, nous allons copier, mais il faut chercher à partir d'une activité et à aboutir au résultat et ensuite définir la trace que nous devons vraiment copier dans notre cahier de cours. Merci, Monsieur Sati. Amis auditeurs, pour la circonstance, vous avez besoin d'un téléphone portable, une bonne connexion Internet, vous avez besoin d'un stylo, vous avez besoin également d'un carnet de notes pour effectivement suivre le cours. Soyez très attentifs parce que les mathématiques à travers la radio, c'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez suivre ce cours avec notre invité du jour. Si vous êtes bien concentré, il y va de notre avenir à tous et vous pouvez suivre. Toutes les séries sont concernées, même la série A, vous suivez les conseils pratiques pour bien évidemment pouvoir résoudre tous les problèmes de mathématiques au baccalauréat. et nous sommes sûrs que vous allez y arriver. Alors, Monsieur Sati, on parlait tout à l'heure de pédagogie par objectif. Cette année, c'est sur ce plan-là que l'évaluation sera faite. Mmh. Alors, on va faire ce lien avec les formats de l'épreuve. Une épreuve de mathématiques au baccalauréat, c'est constitué de plusieurs exercices. Une épreuve de mathématiques au baccalauréat n'est rien d'autre qu'une série d'exercices et de problèmes qui couvrent une large partie du programme de l'année. D'accord. C'est très important. Et l'objectif principal, c'est de tester en étant limite les compétences exigées. D'accord. En terminale D, couramment, vous avez au bac D, deux petits exercices avec un problème. D'accord. En terminale C, vous avez deux petits exercices avec aussi un autre problème. Ok. Et là, nous parlons du format PPO. D'accord. Quand nous allons parler du format APC, là, les choses seront complètement différentes. Alors, la durée de l'épreuve de mathématiques dépend de la série. Oui, la durée de l'épreuve de mathématiques dépend de la série. En série scientifique, c'est 4 heures. En série littéraire mathématique, appelée communément A1, c'est 3 heures. Et la série littéraire A2, c'est 2 heures. Souvent, il y a l'amalgame qu'on fait. Moi, je suis en A1. Moi, je suis en A2. Quelle est la différence? Alors, A1, c'est la série littéraire mathématique. D'accord. Ce qui veut dire que la mathématique ou les mathématiques deviennent une discipline de base ou une matière spécifique dans les conditions de repêchage. Okay. Ça, c'est pour la série A1. Voilà. À savoir, vous avez philosophie, français et mathématiques qui constituent les disciplines spécifiques. Les coefficients également diffèrent. Oui, les coefficients. Séries. En A1, mathématiques devient coefficient 3 au bac, mais 4 en classe. Ça, c'est très important à souligner. D'accord. Maintenant, en A2, vous avez mathématiques, comme une autre discipline d'ailleurs, et qui est coefficient 2, qui là ne fait plus partie des matières spécifiques de la série A2. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'à les examens, les coefficients changent au niveau. Oui, en A2, les coefficients restent identiques. 2, 2. C'est tout. D'accord. En classe 2, à l'examen 2. À mes auditeurs, chers élèves de l'enseignement technique, vous êtes également concernés par cette émission, les conseils pratiques qui vont vous conduire à maîtriser la méthodologie à suivre pour bien évidemment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat. Et c'est avec notre invité du jour, Monsieur Kamena Sati. Monsieur Sati, nous allons souffler un tout petit peu, nous parlons d'Ebola. Excusez-moi, de coronavirus, parce que ce sont des mots qui ont effectivement décimé le monde entier. Donc, ça revient régulièrement. Vous voyez, à la vitesse à laquelle le coronavirus est en train d'évoluer, ça fait peur. Donc, il y a des dispositions, bien évidemment, barrières à prendre pour pouvoir éviter cette maladie. J'ai vu des gens coucher, des larmes dans les yeux, regardant vers les cieux. Hey. Oh, quoi court, nous parlons des mathématiques aujourd'hui. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat? C'est le thème du jour avec Monsieur Kamena Sati, professeur des mathématiques. Et sur ce plateau, ce que nous devons retenir, c'est que pour pouvoir faire les mathématiques, il y a quand même un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Vous venez tout à l'heure de nous expliquer c'est quoi l'APC, c'est quoi la pédagogie par objectif. Et à partir de là, nous saurons exactement à quoi s'en tenir. Nous avons effectivement eu la chance avec vous sur ce plateau de connaître les coefficients, la durée des épreuves. Mais la question que nous continuons de nous poser, que faire avant une épreuve de mathématiques? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Merci, monsieur Mbara. Avant l'épreuve de mathématiques, ou d'ailleurs même avant toute épreuve, il y a ce qu'on appelle la phase de préparation. D'accord. Le bac, c'est l'examen ultime pour quelqu'un qui se trouve en terminale. Et pour avoir cet examen, il faut une préparation régulière. Et dans cette phase, vous avez des points clés que vous devez respecter. Les mathématiques, c'est vrai, tout le monde quand on parle de mathématiques, les gens commencent à se poser pas mal de questions. Mais cette discipline est tellement difficile, on ne peut pas. Mais, et pourtant, secteur ont réussi cette discipline, ont eu des notes très excellentes à l'examen. Comment ces personnes ont pu faire pour avoir ces notes? Il y a des dispositions. La toute première, il faut d'abord apprendre ces leçons de mathématiques et de façon régulière. D'accord. Et surtout faire ces exercices de maison. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire un exercice de mathématiques sans connaître ces leçons. D'accord. Un cours de mathématiques parle généralement d'une définition, une propriété, avec un exercice d'application. Vous devez connaître les définitions, les propriétés, et puis savoir faire l'exercice d'application que vous avez pu faire avec votre professeur en classe. C'est à l'issue de toute cette phase que vous pouvez traiter un exercice de mathématiques. Parce que un exercice de mathématiques appelle l'application d'une propriété. Si vous ne connaissez pas la propriété, vous ne pouvez pas résoudre l'exercice. Donc, il faut d'abord connaître cette propriété d'abord. D'accord. Deuxième point, réviser l'exercice, corriger avec le professeur en classe. Ça, c'est très important. D'accord. Il y a certains élèves qui ne le font pas et on connaît les conséquences. Le prof, après avoir fini le cours, il passe à une séance d'exercice. Les élèves corrigent. Le professeur regarde et il valide la correction avec ses élèves. Lorsque tu arrives à la maison, il faut que toi, en tant qu'élève, tu reprennes encore les mêmes exercices corrigés pour mémoriser ou maîtriser les différentes démarches à suivre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut enrichir sa culture mathématique avec non seulement le manuel agréé, mais aussi ceux recommandés par le ministère. Pour ne pas faire de la publicité, il y en a plusieurs recommandés par le ministère qui sont sur les marchés. Il faut avoir ces manuels. Réviser le cours, enrichir sa culture mathématique avec ces manuels, vont permettre à l'élève d'atteindre une certaine dimension qui vont lui permettre non seulement d'être excellent en mathématiques. C'est-à-dire que avant l'épreuve de mathématiques au baccalauréat, avant une épreuve, une quelconque même épreuve, un devoir de mathématiques, voilà. Il faut une préparation régulière qui sous-entend apprendre ces leçons de façon régulière et faire ces exercices de maison. Il faut réviser. Donc reprendre les exercices corrigés avec le professeur ou avec un spécialiste. Voilà. Il faut enrichir sa culture mathématique avec le manuel agréé ou le manuel conseillé par le professeur ou un spécialiste. Voilà. Il faut apprendre à traiter un sujet type examen d'une durée de 4 heures. Et là, c'est sur ce point que je veux quand même rester. Il y a certains élèves qui n'ont jamais expérimenté l'épreuve de 4 heures tout seul à la maison. C'est dangereux. On ne va pas au bac pour apprendre, mais on va pour appliquer ce qu'on a appris durant l'année scolaire. D'accord. Comme on a l'habitude de dire dans notre jargon, on va pas jouer une finale, mais on va pour la gagner. D'accord. Et là, c'est très important. Pour aller faire une épreuve de 4 heures, il faut déjà toi-même tester ton endurance à la maison 4 heures. Trouve une plage de temps et tu fais ton exercice type bac 4 heures. Alors, mais Monsieur Sati, il y a des élèves qu'on appelle des génies, des cracks. Est-ce que ceux-là sont obligés de passer par ces étapes? Pas du tout. Vous savez, au niveau de l'être humain, il y a plusieurs dimensions. Il y a ceux qui sont intelligents, ceux qui sont doués et ceux qui sont surdoués. Il n'y a pas de bêtes, pas du tout. Il y a ceux intelligents, doués et surdoués. On ne parle pas de ceux qui sont doués et surdoués parce qu'il y a d'autres stratégies encore. Nous parlons que de ceux qui sont vraiment intelligents. C'est-à-dire l'homme naturel, normal. Et c'est comme ça. Et même les doués et les surdoués, vous êtes quand même obligés à appeler quand même à travailler tout seul. Parce que les mathématiques, on n'improvise pas. Non. Tu ne peux pas aller improviser. Tu n'as pas vu un sujet semblable. Tu vas au bac. Excusez-moi, mais tu ne peux pas démarrer. C'est en 4 heures. Et là, les élèves de série scientifique savent de quoi je parle. 4 heures. D'accord. tu n'as pas vu un semblable, tu peux pas. Parce que c'est pas là que tu vas commencer à chercher. Ah, je vais passer par quel chemin pour trouver la réponse. Non. Il faut déjà tester ton endurance, surtout avec d'autres sujets, que nous appelons comme les anciens sujets, en 4 heures. Respecter ça, 4 heures. Là, pour voir l'endurance. Il ne faut pas se blaguer. Hein. Non, on pas dit du tout. 4 heures. 4 heures. Il ne suffit pas de faire une heure. Non. Vous repartez jouer, vous revenez une heure après. Non. 4 heures. 4 heures. 4 heures d'affilée pour voir comment tu es en train de traiter ton épreuve. D'accord. Alors, Monsieur Sati, lorsque nous voyons les mathématiques, souvent on se pose des questions. Comment les gens arrivent à traiter facilement les épreuves de mathématiques? J'avais une idée quand nous étions en quatrième. On m'a envoyé dans une classe d'allemand. J'avais d'abord peur des mathématiques et encore dans une classe d'allemand. On me disait que pour faire l'allemand, il faut manger assez d'attiquer pour pouvoir prononcer les mots. Là, j'ai eu peur. On arrive en terminale A2. Alors, les mathématiques, il faut que je fasse assez de cours de renforcement pour n'avoir ne serait-ce que 7 sur 20. Finalement, je me pose la question, les mathématiques, est-ce qu'il y a un moment propice pour apprendre? Et c'est à quel moment il faut apprendre les mathématiques pour comprendre? Parce que je n'ai jamais eu cette astuce-là. Merci, M. Mbara. On peut apprendre les mathématiques à n'importe quel instant. D'accord. Ça, c'est très important. N'importe quel instant. Mais l'une des dispositions pratiques, c'est d'éviter d'être dans un endroit où tu seras distrait. Ça, c'est vraiment important. Si j'ai dit tout de suite, voilà, il faut faire les mathématiques de 20h à 24h ou de 22h, c'est pas intéressant. Vous trouvez une plage de temps où vous savez que vous n'êtes pas distrait et que là, vous êtes beaucoup concentré, vous pouvez faire les mathématiques. Ça, c'est vraiment le premier point. Mais généralement, on trouve que c'est la nuit, quand tout est calme, qu'on peut faire nos mathématiques. En ce moment, vous faites votre planification à cette période et puis paf, vous faites vos mathématiques correctement. Si tu penses aussi que c'est entre midi et 2 que tu es beaucoup concentré, alors tu fais tes mathématiques. Parce que si j'ai dit qu'on ne peut pas faire les mathématiques en midi et 2, je suis vraiment désolé à certains établissements qui font les mathématiques en midi et 2. Donc on peut faire les mathématiques n'importe quel instant. D'accord. Mais le but ici, c'est de trouver une plage de temps où tu es beaucoup concentré. Parce que faire les mathématiques demande assez de concentration, parce que c'est la matière grise qui travaille. D'accord. Beaucoup. Merci, Monsieur Sati. C'est la toute première partie de cette émission. Que faire avant l'épreuve de mathématiques, donc la préparation régulière? Vous étiez donc en train de nous donner toutes les explications relatives à cette préparation. Après, nous allons passer à l'épreuve proprement dite, donc pendant l'épreuve. Mais bien avant, nous allons répondre à certaines préoccupations de nos auditeurs. Bonjour Monsieur Mbara, nous sommes très heureux de vous écouter. Nous disons merci à Monsieur Sati sur le plateau et aux établissements Henri Poincaré. C'est la première fois que je suis les mathématiques à travers la radio. Et je sais que c'est toujours une innovation, l'innovation que les établissements Henri Poincaré continuent de faire. Ma préoccupation est la suivante. Comment je dois faire mon emploi du temps? Je suis en terminale D, de sorte à pouvoir insérer les mathématiques et mieux apprendre mes cours. Alors, Monsieur Sati. En terminale D, le volume par semaine en mathématiques est de 6 heures. Et l'administration s'arrange à mettre 2 heures à un cours de mathématiques. Autrement dit, ça fait 3 fois par semaine. Avant chaque cours de 2 heures, l'élève est obligé de caler une période de révision des cours précédents. D'accord. Je prends un exemple. J'ai cours de mathématiques le lundi et mercredi, ensuite jeudi. Voici les 3 jours. 2 heures. Le dimanche soir ou le dimanche, il faut que je trouve une plage de temps pour faire mes exercices de mathématiques pour le cours du lundi. Parce que sait-on jamais, le professeur peut faire une évaluation, une interrogation écrite. Donc, il faut que je trouve une plage de temps le dimanche ou même le samedi pour faire mes cours du lundi. D'accord. Le mercredi, j'ai cours de mathématiques. Il va sans dire que le mardi, je dois programmer encore une séance de mathématiques pour préparer mon cours du mercredi. Ainsi de suite. Pour être au parfum des informations, surtout dans cette discipline. D'accord. Car si vous relâchez, ce n'est pas du tout évident de revenir. C'est une continuité. Ok. Voilà comment, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cet élève-là. D'accord. La deuxième préoccupation du jour, bonjour Monsieur Mbra. Je vous envoie ce message de Mbayakro et je vous suis depuis la première émission de philosophie. Merci de nous aider à passer nos différents examens. Sur le plateau, je voudrais demander à Monsieur Sati, pour nous qui sommes en art, qui avons peur des mathématiques, est-ce qu'il n'y a pas d'astuces pouvant nous permettre d'avoir au moins 10 à l'examen? La toute première erreur pour un élève, c'est de dire que j'ai peur de telle discipline. Non, c'est pas bon d'abord. C'est pas bon. D'accord. Il faut éviter de dire j'ai peur de cette discipline. Lorsque vous mettez dans votre tête que vous avez peur de telle discipline, vous ne pouvez jamais apprendre parce que vous créez déjà une barrière. Les mathématiques sont comme les autres disciplines. D'accord. Oui, donc. La toute première des choses que je peux dire pour cet élève, c'est d'enlever l'idée de « j'ai peur des mathématiques okay. ». Deuxième, c'est de respecter les consignes que nous avons énumérées. Okay. Apprendre régulièrement ces leçons. En fait, le problème avec les séries A, c'est qu'ils se disent « voilà, mathématiques coefficient 2, je peux trouver mieux ailleurs pour venir juste combler le reste apprendre en mathématiques. » Donc, passer trop de temps en mathématiques, faire mes exercices de mathématiques, pourquoi ne pas aller me concentrer dans les autres disciplines? En fait, c'est là l'erreur. D'accord. Vous voyez, c'est là l'erreur. Il faut caler ton cours de mathématiques de telle sorte que, lorsque on dit il y a un cours, en série A, c'est 4 heures. 4 heures de mathématiques. Certainement, ils font 2 heures ou 1 heure, ça dépend de l'administration. Okay. Donc, avant un cours, tu cales tes 30 minutes et tu fais ton cours de mathématiques. Un cours de mathématiques, là, c'est pas aussi long comme les autres cours. Juste définition, propriété, essai d'application. 30 okay. minutes pour une lettre de série A, tu peux bien mémoriser, bien connaître même la notion enseignée. Et puis voilà, au fur et à mesure, de façon régulière, tu deviens excellent en mathématiques. En faisant de la sorte, c'est fort évident qu'il peut avoir 10 à l'examen. Car l'épreuve en mathématiques est d'un niveau moyen. Un élève qui a 8 de moyenne en classe peut avoir 14 à l'examen en mathématiques. Je répète, un élève qui a 8 de moyenne en classe peut avoir 14 à l'examen mathématique. D'accord. Une autre préoccupation d'un élève. Je m'appelle Carole Agny Aimé. Je suis élève en terminale D et je suis au lycée scientifique de Yamoussoukro. Je vous écoute à travers Beke FM. Je voudrais vous dire infiniment merci. Mais monsieur, j'aurais bien voulu appeler pour pouvoir mieux comprendre. Mais coronavirus a déjà touché les poches. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui où nous sommes, si les examens doivent se tenir, avec les chapitres qu'on a déjà faits, essayez de nous guider un peu sur quoi on peut s'appesantir pour mieux nous focaliser sur les bosses. Nous continuons avec la jeune dame. Elle dit coronavirus a déjà touché les poches. Hein. Donc vous Alors, pouvez... avant que cette période n'arrive de coronavirus, il y a eu le premier trimestre en mathématiques qui a été déjà achevé jusqu'au deuxième trimestre. Pour l'instant, je demande à tous les élèves de maîtriser toutes les compétences des deux premiers trimestres d'abord. D'accord. Si le gouvernement nous autorise à reprendre les cours, et d'ailleurs c'est notre vœu, nous pensons que nous pouvons continuer et en ce moment, ça devient un acquis pour ces apprenants. Mais ne pas maîtriser les deux premiers trimestres, c'est vraiment une erreur grave. Donc, ce que je peux dire pour cette jeune dame, pour cette jeune fille, c'est d'abord de maîtriser les deux premiers trimestres. Le programme des deux premiers trimestres. Voilà, pour l'instant. Merci. Nous pensons que vous avez religieusement écouté notre invité sur le plateau. Si coronavirus a déjà touché les poches, faites un effort pour ne pas que ça touche la mémoire. Et je pense que vous pouvez retenir facilement ce que l'enseignant sur le plateau vient de dire. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir, est-il nécessaire d'avoir des groupes d'études quand on est en classe de terminale D, Isaac, terminale D depuis Korogo? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça permet d'abord à l'apprenant d'expérimenter aussi ses acquis avec d'autres. Et même de découvrir certaines compétences. Donc c'est nécessaire. Mais le problème, c'est qu'il faut éviter des groupes de bavardage, des groupes de causerie, des groupes où vous allez régler que des problèmes de famille ou des cas de copinage. Il faut éviter ça. faut éviter. Créer un groupe où vous pensez que ce groupe peut vous aider à apprendre les mathématiques. Évitez le groupe où vous avez les trois premiers d'un établissement dans le même groupe. Ça ne va pas apporter. Parce qu'il y aura conflit de compétences. Les trois premiers dans un même groupe, ça ne va jamais évoluer. Arrangez-vous dans un groupe où vous pensez que celui qui est devant là, un, il vous comprend, il peut vous aider à avancer et vous permettre de comprendre la discipline. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est nécessaire. La question que je voudrais ajouter, est-ce que c'est l'élève même qui doit faire son emploi du temps de cours ou le groupe, ou bien il y a un spécialiste qui peut leur apporter un appui? Non. Le professeur peut aider. Le professeur peut constater que, ah voilà, compte tenu de votre situation géographique, vous pouvez former un groupe pour juste continuer l'apprentissage. Le professeur peut faire des propositions. Mais l'élève aussi peut lui-même se lever pour dire, voilà, je constate qu'il y a tel élève qui est vraiment bon, qui peut m'aider. L'autre aussi peut aussi m'aider et il peut monter son groupe. Voilà pourquoi je demande, dans ce cas de figure, de faire très attention. Parce qu'il faut éviter des groupes où il y a tellement des affinités. Au point où, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment inséparables. Quand elles se retrouvent, c'est de parler de tout, sauf ce qui est nécessaire. C'est là qu'ils vont traîner des débats inutiles. Et pour inutile de 4 heures, ils vont passer 4 heures à ne même pas traiter une seule question. Donc il faut éviter ce genre de figure-là. Merci Monsieur Sati et nous finissons avec cette question pour la première partie. Bonjour Monsieur, je vous envoie ce message de Zienoula. Je voudrais savoir, notre conseiller à l'école nous a dit qu'il faut mettre un peu de distraction dans notre emploi du temps pour pouvoir réussir. Alors moi je suis en terminale C, mettre des jeux dans mon emploi du temps ou des temps de jeu dans mon emploi du temps. Est-ce que vous pensez que ça peut m'arranger? Je veux juste votre avis. Oui, mettre une plage de distraction dans son emploi du temps personnel, c'est très important. Parce que ça va permettre à l'élève de vider certaines choses. Comme j'ai l'habitude de dire, les mathématiques demandent beaucoup de concentration. Quand tu finis une épreuve de mathématiques, si tu n'as pas vraiment des médicaments comme paracétamol, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que ça fatigue la tête. Pas que c'est difficile, mais tu as beaucoup donné en termes d'énergie. Donc quand c'est comme ça, il faut quand même trouver une petite plage où tu peux soit regarder un film ou peut-être causer avec maman ou jouer quelque chose. Mais pas rendre ça de façon, si vous voulez, libérale où tout le temps on se promène, on joue seulement. Non, pas du tout. En semaine, on peut mettre peut-être 2 heures de distraction et c'est important. Et je pense que l'inspecteur d'orientation en tant qu'expert de la chose, quand même, il sait pourquoi il demande. Et c'est très bon. D'accord. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat? C'est notre thème pour cette émission, pour ce numéro de e-learning. À la technique, sachez que vous avez Monsieur Oumar Kobena assisté par Monsieur Kwaku Angenor. Nous allons permettre à notre invité de souffler un tout petit peu. Sachez qu'on parle de coronavirus qui a engendré la fermeture des classes. Donc l'alternative, c'est le e-learning pour pouvoir permettre à nos élèves d'être comblés et pouvoir poursuivre les cours. On respire un tout petit peu, on revient à vous. Pékin FM jusqu'au bout du monde.